Zamzam. Quand le prophète Ibrahim, Abraham, sur lui la paix, installa sa femme, Agar, Hagar, et son fils Ismaël, Ismaël, sur la paix, dans une vallée vierge de végétation et d'eau, connue de nos jours comme la Mecque, il les laissa seulement avec un sac contenant des dattes et une outre remplie d'eau. Lorsqu'il n'eut plus d'eau, Hagar s'inquiéta pour son fils. Elle escalada alors le petit monticule de Safa afin de voir s'il y avait quelqu'un. Comme elle ne vit personne, elle descendit et alla rapidement en direction de Marwa, où elle monta sur le monticule pour voir s'il y avait quelqu'un. Ainsi, elle alla et revint 7 fois entre ces 2 monticules. Quand elle se tint pour la dernière fois sur Marwa, elle entendit une voix et vit un ange se tenant debout sur le site de Zemzem, frappant la terre de son talon ou son aile, afin que l'eau jaillisse. Elle fit comme un petit bassin autour, utilisant ses mains pour cela, puis elle commença à remplir l'outre avec ses mains, mais l'eau jaillissait dès qu'elle en puisait. Enfin, elle se mit à boire et elle allaita son fils. L'ange lui dit alors, « Ne crains pas d'être oublié, car ceci est la maison d'Allah. Ton fils que voici, ainsi que son père la construiront. Allah ne néglige jamais les siens. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le puits de Zemzem est situé près de la Kaaba. Sans aucun doute, son eau est la plus bénie et la plus pure à la surface de la terre. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La meilleure eau à la surface de la terre est l'eau de Zemzem. Elle est une nourriture, mais aussi un remède contre la maladie. » Hadith rapporté par At-Tabarani. Une fois, Abu Dar, qu'Allah l'agré, dépendit uniquement de l'eau de Zemzem pendant 30 jours et 30 nuits, et il grossit tellement qu'il sentait les replis de graisse au niveau de son estomac, et il ne connut jamais la faim. Lorsqu'il mentionna ceci au prophète, il lui dit « Cette eau est bénie, et elle est aussi une nourriture. » Hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a aussi dit « L'eau Zemzem sert à ce pourquoi on la boit. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Par conséquent, quiconque la boit avec l'intention d'être guéri, Allah le Très-Haut le guérira assurément de sa maladie.